Il apprête l'enchantement. Il compose un charme lugubre. Tu es beau, Seigneur, pareil à l'archer du Liban, Seigneur des danses. L'avez-vous vu, celui que j'aime? L'avez-vous vu? Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Et il se prosterne et dit dans sa prière : écarte cette coupe de moi, Seigneur. Toutefois, non comme je veux, mais comme tu veux. Sa sueur tombe comme goutte de sang, trempe la terre. Thank you. Quel est ce jeune homme tout blanc, assis à l'entrée du sépulcre? Vous cherchez le crucifié? Et pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Or, il est là, debout. Il dit, ne pleurez plus. Moi, le maître de l'univers, qui ai joint à mon nom le nom du tonnant, moi, je te fais Dieu. Tout est licite à l'empereur. Adrien a déifié le jeune homme de Bithynie à la bouche mélancolique. Je veux te consacrer un temple. Je souffre. Je souffre. Les cieux s'évanouissent. Une main m'a pris par les cheveux. Quelqu'un a crié. Béni soit le roi qui vient au nom d'Adonai. Adonai ! Adonai ! Ai-je entendu ? Tu vas cette nuit apparaître aux yeux du peuple dans les rues arrosées de safran punique parmi la clameur des cohortes. Quelle splendeur sort de mes os ! Suis-je lumière ? Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. L'a-t-il dit? Je souffre, je souffre. Tu es mon fils, le bien-aimé. En toi, je prends plaisir. Peut-être nous sommes un. Tout s'obscurcit, les cieux s'évanouissent. Suis-je au faîte du temple, au sommet du mont, avec le tentateur? Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas. Oh, vertige, il m'a saisi par les cheveux. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Que dirais-je? Ma vie s'évanouit. Les anges sont loin. Loin, j'entends d'autres voix. Je te donnerai tout cela si tu m'adores. Prends la victoire impériale dans ton coin fort et décharné. Or, tu es Dieu, tu es César, tu es prince de la jeunesse, tu as la puissance et la joie, tu auras tout, tu auras tout. Je te donnerai les butins de toutes mes guerres d'Asie, de mon Asie profonde et chaude. Moi vivant, je te lèguerai l'Empire. Tu seras le maître, étant Dieu pour rester lointain dans tes silences. Tu seras empereur pour te rapprocher et pour t'agiter. Tu feras verser du sang, fonder des villes, ployer des rois, sécher des mers, chanter des poètes, mourir des héros, surgir des aurores inconnues du fond des douleurs inexpugnables. Tu auras le monde tremblant dans le creux de ta main, comme l'alouette dans le sillon avant le jour. Ah, qui donc des choses plus belles que toutes ces choses? Qui donc te les donnera? Tends le poing, prends la victoire! Chantez, bondissez, exultez, que toute la nuit le tonnerre triomphal des buccins résonne au sommet des saintes collines, jusqu'à ce que ma Rome entende hurler vers les hauts dioscures la louve aux mamelles d'airain, et vous, tracez le temple augure, annoncez l'étoile future au ciel romain. Splendide, j'ai brisé ton or, j'ai brisé ton idole, et toi, tu seras brisé, tu seras foulé. La nuit vient, l'entends-tu? L'entends-tu? La nuit rugit comme une lionne, déchirant les raies de ses nuages noirs. La louve impère. Renversez-le! Renversez-le! Scellez sa bouche avec la torche, faites de sa face une plaie. Non! Uriel et Nicanor, étendez-le sur la cithare. Ainsi, ainsi, mais doucement. Femmes de Byblos, les plus belles, venez le composer. Ainsi, ainsi, ainsi, très doucement. En vérité, je vous le dis, Jésus veut me glorifier. Moi et le Christ, nous sommes un. J'ouvre les bras. Nous sommes un pour les clous, la lance et l'éponge. Voici, j'ai soif. Mon côté saigne. Mes mains et mes pieds sont cloués. Gloire éternelle. Ne le touchez plus de vos doigts. L'art de sa démence est sublime. Le son de sa faute est divin. Certes, c'est la divinité de ma cithare qui lui donne une fin si mélodieuse. Il meurt dans le mode dorique. Ne le touchez plus de vos doigts. Ne touchez pas à sa pâleur. Il se meurt, l'archer du Liban. Il se meurt, le bel Adonis. Pleurez, pleurez. Par le haut soleil invaincu, or mourant, écoute l'arbitre. Tout ce que j'ai voulu t'offrir, je le tiens dans ma main encore. Tu pourrais encore être un dieu, avoir ton temple. Le Christ règne, tu n'es que fange, la mort est vie. Étouffez-le sous les couronnes, étouffez-le sous la musique, sous les fleurs, l'or et les plaintes. Car il est beau.